L'opposition n'était pas en reste. On doute d'avoir de bons résultats en confiant trop de dossiers à un seul ministre, comme Sylvain Gaudreau, qui cumule transport, affaires municipales, régions et occupation du territoire. Si tu ne pas au Tipit, tu ne seras pas souvent chez eux, là. Pas en locale comme les joueurs de hockey, mais patine très bien derrière un micro et n'hésite pas à aller dans les coins avec ses invités. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Merci. Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de bien analyser le surprenant Conseil des ministres de Pauline Marois. Vous avez vu, hein, c'est assez impressionnant. Fred, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous eu votre ministère, finalement? Ben non, je voulais le ministère du burlesque. C'est Noëlla Champagne qui va l'avoir, finalement. Maudit! Ça va pas assez proche. Elle était fâchée, la madame. Ah oui. Ah, la mort ici, qu'elle se veut tout le temps de même. Ouais. En tout cas, il y a eu de la belle activité de la belle Pauline. Oui. Elle a pas perdu de temps. Non. Elle a fermé Gentilly, moratoire sur l'industrie des gaz de schiste, annulé la hausse de frais de scolarité, annulé la taxe santé, abrogé la loi 78. Elle commence fort ses 100 jours. Ben oui, elle va faire quoi, les 99 autres jours? Ben, elle est pas folle. Elle va se concentrer à calmer Bernard Drainville. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Gars. Et Jean-François Lisée, parce que je pense qu'il va se tourner les pouces. Ben, le pauvre Jean-François, hein, il a été nommé ministre des Relations internationales, de la Francophonie, du Commerce extérieur, président du comité ministériel de la région métropolitaine, responsable de la région de Montréal. Ouais. Franchement, c'est modeste comme charge de travail pour un homme de sa stature. Ouais, mais quand même, c'est quand même lui qui va être chargé de vendre la souveraineté à la communauté anglophone de Montréal. La vendre? Hey, même gratis, il n'en voudrait pas. Je sais pas, tu sais, hey, quand c'est J.A.D. passe une entrevue avec Richard Bain pendant la nomination du cabinet Marois, je pense que c'est assez clair. Ouais. Hein? It's crystal clear, comme ils disent. It's crystal clear. En tout cas, j'imagine qu'à CJD, ils n'ont pas trop aimé non plus que le PQ enlève le drapeau canadien pendant l'assermentation des députés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ben oui. Quelle histoire. Ben oui. Ah non, mais en même temps, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Là. Non, c'est vrai. L'ADQ l'avait fait aussi en 2007. Ça énerve plus grand monde, anyway, quand même. Là. Ben, quand même, regarde, la personne qui en a le plus parlé, là, c'est Daniel Paillet. Daniel qui? Daniel Paillet. C'est qui, ça? Ben, le chef du Bloc québécois. Aïe, aïe, ça existe encore, cette affaire-là? Ben, ça me semble. En tout cas, c'était dans les journaux hier. En tout cas, bagarre. En tout cas, il y a une affaire qui existe vraiment, Fred. C'est la corruption en Ontario. Oui. Je sais pas si vous avez regardé Enquête cette semaine, mais il paraît que la mafia serait encore plus présente en Ontario qu'au Québec. Hey, j'ai bien hâte de voir la une du McLean, là. Quelle mascotte qu'ils vont utiliser? Quelle mascotte? C'est une bonne question, ça. C'est vrai, c'est quoi la mascotte de l'Ontario? Ben oui. À part le maire Rob Ford, là. Voilà, t'as une minute. C'est qui? Une mascotte, c'est pas supposé d'être attendrissant? Ouais. Ben, il y a peut-être la nouvelle mascotte des Blue Jays, là. Il paraît qu'il est très, très attendrissante. Et si... homophobe. Ben oui. Il y a un des joueurs des Blue Jays, là, qui aurait dit des affaires pas fines au sujet des homosexuels, hein. En fait, ils ont même pas dit, là. C'était écrit « Tout erré maricon » sur les petites bandes noires qui se mettent en dessous des yeux, là. Il avait écrit ça là-dessus, ces petites barres noires en dessous des yeux. Ouais. Soda, ils sont capables de lire « T'es gay ». Ouais. Hein? Colin de Bin. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es maricon? Ça veut dire, tu es une tapette. Hey, puis en plus, ils ont pas le sens de l'humour, les tapettes. Non. Ah ben, maudit. C'est comme les musulmans, ça. Ouais. Pas capables de rire. Hein? Ils sont encore fâchés, eux autres, d'un film pourri diffusé sur YouTube la semaine passée, là. Ouais. C'est toi, vous me parlez du film pourri. Hein? Je me demande si Joël Legendre, s'il faisait des blagues sur les musulmans, mais ça les calmerait. En tout cas, je sais pas si ça les calmerait, mais ils riraient pas. Tu vois. Non, je pense que Joël Legendre, il devrait se concentrer sur sa nouvelle émission du matin avec Élise Marquis, là, deux filles le matin. C'est très bon, hein? C'est très, très bon. Il paraît qu'ils ont une belle chimie, hein? Oui, ben oui. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein? C'est très bon. Ben, nous autres, on en a une belle chimie, vraiment. Oui. Et on a des bons invités aussi. On a d'abord Monique Jérôme Forget, l'ancienne dame de fer du Parti libéral, à ne pas confondre avec la dame de béton du Parti québécois. Non, et surtout à ne pas mélanger, hein, parce que ça fait du béton armé, puis ça, c'est 30% plus cher. J'ai vu ça. Ça coûte cher, pareil, ça. Énorme. Ah, le monde de la construction. On a également Jean-Pierre Charbonneau qui, lui, est capable de casser du béton et de plier du fer, hein, grâce à ses aptitudes dans les arts martiaux. C'est pas du karaté, c'est du tai chi qu'il fait. Ah. Ben, regarde, il est sûrement capable de briser quelque chose. Ouais, un papillon. Ah oui, ben c'est un papillon. En tout cas, on a encore le temps d'y penser et de le découvrir parce que la soirée est encore jeune. Alors, merci d'être à l'écoute et d'être sur place. Olivier, Pour ceux qui préfèrent les internets, on fait comment? Ben, ceux-là peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, ouais. facebook.com/lasoirée ou se rendre sur notre site radio-canada.ca/lasoirée pour voir, entre autres, une belle pub de Chevrolet où Philippe Band, l'humoriste de l'année, ouais, pognasse des pitounes dans un char. Ah, puis ouais, ah, ça, c'est drôle. Oh oui. Mais, hein. Oh oui. Hey, non, mais grosse semaine d'actualité, encore une fois, cette semaine. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler là, des photos nues de Kate Middleton. Mais là. Ouais. Ah, des petits seins. Hein? Non, mais regarde, moi, j'ai regardé les photos, je trouve qu'elle a des petits... Moi, j'en connais qui en ont des plus gros. Tu parlais de qui, là? En tout cas... Oh, Fred Savard! Ne parlez pas encore du docteur Barrette. Lâchez-les, le pauvre monsieur! Ça devient de l'acharnement. Non, j'avoue. Franchement. Je sais pas qui c'est qui a écrit les textes dans cette émission-là. Ben oui, dans un autre ordre d'idées, si je peux dire. Dure semaine pour Mitt Romney, hein? Vraiment, tout ah ouais, un ordre d'idées différent, ouais, comme on dit. Ouais. Non, mais dure semaine quand même pour Romney à la course à la présidence des États-Unis. Je sais pas si vous avez vu la vidéo là, qui a été prise à son insu lors d'un souper bénéfice à 50 000 $ le couvert. Oui, monsieur. Il a critiqué en fait la moitié des Américains là, pour en fait de dépendre de l'État. Ben ouais. Une vidéo qu'il aurait aimé ne pas voir circuler, ouais, ça c'est clair. D'ailleurs, ça nous a donné une inspiration pour notre palmarès de la semaine. Voici donc 5 autres vidéos que l'on aimerait qu'elles restent cachées. Oui. En 5e position, la vidéo d'un souper de soir de semaine dans la famille Durocher Martineau. Franchement. Ouais, ça doit être comme lire une chronique de Richard et Sophie, mais dans un bol de crab dinner. Ouais, c'est ça. Ça donne des gaz. En 4e position, le sextape de François Rebello. Ah, ben oh, ça, par exemple. Ça doit être tranquille. Ah oui? Puis on sait jamais quelle position il choisit. Ouais, là, il change, par-dessus, hein? Ouais, par-dessus. Lui-même, ouais, il sait pas, honnêtement. Non, ouais, en 3e position, la version uncut du gala des prix Gémeaux. Ben franchement. Ben là, c'était pas déjà uncut, cette affaire-là? Ouais, je pense que c'était déjà uncut à TV. Ouais. En 2e position, le 2e épisode d'Adam et Ève. Ah là, ils sont rendus au 3e. Ben voyons donc. Ouais. Normalement, j'aime pas ça, cet argument-là, mais c'est toujours bien l'agent de nos taxes. Oui, ça c'est... Franchement. Et la première vidéo qu'on aimerait qu'elle reste cachée, la vidéo du gala des prix Gémeaux, animée par Joël Legendre et écrite par Claude Meunier. Ben franchement! Ah non, mais à Guantanamo, il devrait utiliser ça au lieu de faire jouer du Motley Crue. On va dire que le petit Omar Kader, il répondrait vite en tabarnouche. Fred, notre premier invité. Elle a connu une carrière fulgurante dans la fonction publique, autant à la direction de la CSST qu'au ministère des Finances, où elle a su tenir les cordons de sa sacoche sans succomber au syndrome de la pépine. Voici Monique Jérôme Forget. Ah, très contente de vous recevoir. Madame Jérôme Forget. Oui. Vraiment, une bière, c'est bien important. Les invités, normalement, prennent une bière. Ben moi, j'en prendrais pas. Ah, ben non, c'est très mal vu, ça, en tout cas. Ben, je m'excuse. C'est hein? Votre histoire. Ben, je vous la donne. Ben, c'est vrai? Oui. Ben, je vais en prendre. Bon. Oui. Bon, je suis pas stressé avec ça. Je suis content de vous recevoir, mais là, je vois que l'ancienne ministre des Finances a une plus petite sacoche qu'avant. Hein? C'est pas gros? Oh, oui, c'est pas gros, ça. C'est vide, à part ça. Ah, c'est vide? Mon Dieu. Non, c'est effectivement, j'ai on une petite sacoche. On fait de l'argent au gouvernement? Plus d'argent au gouvernement? Qu'à retraite? Regarde, je lance ça comme ça, là. On fait pas d'argent au gouvernement. Non? Non. Tu t'appauvris quand tu vas au gouvernement. Je suis bien plus riche aujourd'hui que j'étais quand j'étais ministre. Arrête donc. Ben, je vous le dis, moi. Mais il est donc bien drôle, Jean Charest, d'être resté si longtemps que ça, lui. Ben non, mais je savais pas ça. Non, mais... Il y avait une entente spéciale, je pense. Regarde, je sais pas, mais pas. On a reçu récemment, avant les élections, tout juste avant les élections, on a reçu la dame de béton. Hein? Et maintenant, on reçoit la dame oui, de fer. Est-ce que c'est un qualificatif le fun? La oui, dame de fer, oui? Oui, oui. Parce que oui, je trouve oui, que c'est pas assez sexy. Puis là, je vous ai devant moi et vous êtes sexy. Oh my God! À mon âge, ben, c'est là, très flatteur. Écoute, là. Bon, alors, combien tu veux d'argent, toi? Ben, avoir votre sacoche, je vous demanderai pas trop. Mais non, mais quand même, vous étiez comparé un peu à Mme Margaret Thatcher. Oui. C'est le fun, ça? Ben, mais ouais, ça, c'est le fun. Ça dépend à quel côté qu'on prend. Pour Françoise David, bon, c'est moins le fun, mais tu sais. Non, mais c'était un qualificatif qui m'allait bien. Qui m'allait bien. J'étais parce... une femme, je dirais, rigoureuse. J'allais avoir un collègue, là, M. Charbonneau, ouais, qui était en même temps que moi en politique. Et il va être d'accord que ouais, ça m'allait bien. Oui. Il vous a trouvé dur? Et il m'a trouvé correct. Ouais. Un peu dur de temps en temps et fine très souvent. Pas assez souple, hein, mais en même temps, le monsieur, il fait du tai chi. Là, je veux dire, ouais, oui, mais ça, tout le monde est moins souple que lui. Oui, oui. Ben oui, c'est maintenant. Là, on vient de sortir de la campagne électorale. Une campagne électorale franchement intéressante qui a vu l'élection donc, de Pauline Marois avec 54 députés, une majorité, ben, en fait, une majorité sur le Parti libéral, assez mince. Vous étiez dans quel comté, vous? Moi, j'étais dans le comté de Marguerite Bourgeois. Ah, ben oui. Puis mon successeur qui était là ouais, a décidé de quitter ce comté-là pour aller à Québec, puis il s'est fait battre. Regarde. Ça paraît que c'est un gars. Hein? Ben oui, c'est ça, c'est pas vite vite. C'est pas vite vite. Mais vous avez voté donc dans ce comté-là aussi? Non, moi j'habite au centre-ville. Maintenant. Ah, est-ce que vous avez succombé à la vague Québec solidaire comme tout le monde? Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai voté solidaire, Québec solidaire? Ben, ça me ressemble? C'est l'orange, là. Oui, je le sais. C'est qui, vous, votre candidate pour Québec solidaire ou candidat, je m'en rappelle qui? Je ne sais même pas. Ah, ben franchement! Il faut s'informer. Peut-être que son programme était plus intéressant quand même. Okay. Mais là, M. Charest a démissionné pour aller faire plus d'argent, vous l'avez dit tout à l'heure. Et là, il va y avoir une course au Parti libéral du Québec. Votre ancien collègue Philippe Couillard, qui a quitté la politique à peu près en même temps que vous, va probablement entrer dans la course. Hein, si ouais, ça, déjà ouais, ça a l'air de ça. Ouais. Et vous, ça vous tente pas? Pas, mais pas du tout. Même pas un peu, pas du tout. Parce qu'il me semble que ça serait bien une première ministre et... Oui. Une femme dans l'opposition. Tout à fait. Ben, savez-vous, ça ne me tente pas. Même pas. Ben, mon Dieu, ça me surprend quand même. Non, une dame de fer comme ça, mais d'habitude. Non. OK, ben, non. J'ai fait 11 ans de politique, c'est assez. 11 ans? Oui. 6 ans, 4 ans dans l'opposition, 7 ans au pouvoir. Puis c'est quoi le plus le fun? C'est au pouvoir. Ah ouais, hein? Ouais. Plus d'affaires à gérer, mais une plus grosse sacoche, en tout cas. Ouais. Vous allez sortir un livre, publier un livre très bientôt chez Stanké, d'ailleurs, pour en finir avec le plafond de verre. Vous parlez évidemment de la présence des femmes en politique. Non. La présence des femmes sur les conseils d'administration, oui. C'est fini, là, la politique. Là. Ah oui, excusez-moi. Okay. Écoute, j'ai fermé le livre. Là. C'est l'autre livre. Oui, OK, d'accord. OK. Alors, l'autre livre, c'est un plaidoyer économique plus que politique, partisan ou même féministe. C'est un plaidoyer économique. Là, c'est bien compliqué. Là. Je pense que c'est peut-être pas l'endroit pour en parler beaucoup. Non, mais pas pour tout le monde ici, mais moi, je comprends quand même. Si je voulais en parler... Mais c'est vrai qu'il y a moins de femmes sur les conseils d'administration. 14 % Bon, c'est quand même pas mal. Et non, mais justement, les femmes et le côté économique, on sait que Pauline Marois vient de prendre le pouvoir et, paraît-il, tout le secteur économique capote. Hein? Ah oui. Ah ouais, là, ça va pas bien. Qu'est-ce qui va se passer pour le secteur économique avec un gouvernement Marois? Est-ce que c'est parce qu'on a une femme au pouvoir que le secteur économique commence à... Mais c'est parce qu'elle n'avait pas beaucoup de candidats qui arrivent du secteur économique. Mais là, Nicolas Marceau, je dois dire, qui a une belle formation. C'est vrai qu'en politique, des fois, il lui reproche de ne pas avoir assez d'expérience. Ouais. Mais ça prend. Moi, j'étais blanc-bec, j'étais verte quand je suis arrivée, puis j'ai appris à faire de la politique. Ouais. Puis il va apprendre comme tout le monde, mais c'est un gars qui est très qualifié. Et il va faire un bon ministre des Finances, vous pensez? Moi, sincèrement, je le souhaite pour lui, parce que pour l'intérêt du Québec, c'est important d'avoir un bon ministre des Finances. Mais le poste le plus important... Oui, c'est lequel, le poste le plus important? C'est le président du Conseil du Trésor. C'est M. Stéphane Bédard. C'est Stéphane Bédard qui, lui, va être très près de Mme Marois pour contrôler les dépenses. Rappelez-vous, là, quand quelque chose ne passe pas au Trésor, ça ne va pas au Conseil des ministres. Donc, vous étiez aussi président du Conseil du Trésor. Oui, et je contrôlais. Oui, est-ce que vous vous ostiniez entre vous? Et c'est pour ça qu'on m'a appelé la dame d'affaires. Oui, j'argumentais avec moi-même, c'est mais j'étais toujours d'accord. Ah, ben, regardez ça. C'est pratique, ça. C'est pas François Legault qui sera d'accord de même, hein? Caroline Devine. Non, mais je dis ça comme ça. Justement, parlant de l'homme marshmallow, on l'a reçu il y a quelques semaines. Non, mais... Il est moins ferré que... Hein? Il est non, moins non, rigide. Non, mais change d'idée. C'est pas de ta faute. Ça goûte sucré, le marshmallow. Ouais, il nous disait, il y a quelques semaines, que les femmes aimaient moins la chicane. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins de femmes en politique, qu'il y a moins de candidates féminines. Il a dit ça, lui, François. Ben c'est vrai qu'il a dit ça. Et, ça, c'est vrai qu'il a dit ça. Mais il y a moins de femmes dans bien des endroits. Ouais. Le livre que j'ai écrit, c'est précisément ça. Dans des postes de pouvoir, des postes de commande, des postes d'orientation, il y a moins de femmes parce que les hommes ont défini les règles du jeu. Ouais. Puis les jeunes femmes qui veulent avoir des enfants et qui doivent en avoir, l'environnement de travail n'est pas approprié pour ces personnes-là. Bon. Donc, il faut changer ça. D'accord. C'est ça, mon mandat. Là. Maintenant, en 2007, je pense qu'il y a eu parité dans le Conseil des ministres de M. Charest. Est-ce que ça a changé l'ambiance au Conseil des ministres? Plus de Kleenex à la table, j'imagine. Regarde. Il n'est pas macho, non? Non, mais c'est des questions qu'on m'écrit. C'est souvent... Ben oui. C'est Fred Savard. C'est une affaire que je touche pas dans cette émission-là, ces entrevues. Mais qu'est-ce que ça a changé comme ambiance? Quand on est... la parité, pour moi, c'est pas le 50 %. Non, c'est ça. C'est 60-40, quelque chose comme ça. Ouais. Je trouve que ça donne un climat différent. Je dois dire que au-dessus de 25 %, c'est le chiffre magique. C'est quand on est la token woman que là, ça ne marche pas. Quand on est... Moi, j'ai fait beaucoup ma carrière où j'étais la seule femme. C'est pour ça que je me suis battue, moi, pour les femmes toute ma vie. J'étais la seule femme. Et là, les hommes s'attendent à ce que tu te comportes comme eux. Déjà, les femmes s'habillent avec des tailleurs marines, bien straight là, tout à fait correct, etc. Aujourd'hui, non, les femmes s'habillent comme elles veulent sont à la mode et participent de façon plus importante. Alors, pour moi, ça change le climat. Dans un cabinet de ministre, ça change. Dans le conseil des ministres, ça peut changer un climat. Oui, moi, j'ai travaillé d'ailleurs pour Mme Bégin alors qu'ils étaient seulement deux femmes au conseil des ministres. Et c'était trop peu. Mais qu'est-ce que ça amène des femmes dans un conseil des ministres? Bien, écoutez, qu'est-ce que ça amène? On peut dire que ça amène ce que ça amène une femme dans un couple. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça amène? Ça met de la décence. Ah, OK. De la décence. OK. OK. Ça amène une approche plus compréhensive. Plus les femmes vont reconnaître qu'elles ont des défauts, alors que jamais un homme va reconnaître Moi, je vois pas de problème avec moi là-dedans, mais en tout cas, regardez, c'est ma vision de là. Mais là, évidemment, je vais vous poser une dernière question. J'aurais pu vous en poser mille autres, mais celle-là me tient à cœur. Vous êtes docteur en psychologie. Peu de gens le savent quand même. C'est vrai. Et je me demandais, là, qu'est-ce qu'il y a exactement, Jean-François Lisée? C'est du narcissisme? C'est un être histrionique? Moi, je ne parlerai jamais contre le monde. Ah, ben non, mais non, mais je vous demande votre avis, d'expert. Non, non, mais j'estime que c'est un homme qui a de grandes qualités. Ah, il dit lui-même, hein, d'ailleurs. Il a de grandes qualités. Bon, vous n'allez pas me distraire, là. Il a de grandes qualités. C'est un homme qui a une belle formation. Et bon, ben, je vous laisse le soin de porter les jugements vous voulez. Moi, je ne juge personne non plus. Ben, ça n'a pas l'air à ça, là. Non, non, mais c'est dans mes questions, comme je vous dis, là. Je me sens mal de poser ça. Mais Madame Monique Forget, Jérôme Forget, vous restez avec nous. J'espère on va avoir Jean-Pierre Charbonneau tout à l'heure, qui ne pose pas de jugement, à part quand il est avec Simon Durivage. Donc là, il n'est pas là, on devrait être correct. Merci. Stephen Harper était au Québec la semaine dernière pour commémorer la fameuse bataille de 1812, je ne sais pas si vous avez vu, alors que les Américains tentaient de nous envahir. Hein. La bataille a duré, paraît-il, 32 minutes. Mais c'est un moment fondateur de l'unité canadienne. Alors, c'est pas la seule bataille qui a forgé le beau pays qu'on connaît aujourd'hui. Et La Soirée est encore jeune a mis la main en exclusivité sur la prochaine publicité qui nous relatera cet autre moment charnière de notre formidable histoire. On écoute. Il y a 200 ans, l'armée de Napoléon Bonaparte nous a envahis. Des parachutistes prirent le contrôle de Toronto et d'autres troupes débarquèrent d'un sous-marin en marche sur les plages de Montréal. Mais nous avons défendu notre territoire. Côte à côte, des milices ontariennes et québécoises s'unirent avec des Amérindiens quelconques et Tim Hortons pour repousser l'ennemi jusqu'à Gaspé. Grâce aux castors bricoleurs, nous avons ensuite construit un gros tunnel sous l'Atlantique et nous avons envoyé Napoléon à bord d'un train via rail jusqu'à Waterloo où il a pogné un mur. Nous avons encore sauvé le Canada. Pour en savoir plus, visitez le 1815/réinventonslhistoire.gc.ca. Un message de Mythologie Canada. Hey, je ne connaissais pas. Moi non plus. Hein, c'est intéressant. Ça doit être sur les 75 cents, ça, cette image-là. Mais Bonaparte, il rentre sur les 75 cents. Facile. C'est le moment intelligent de l'émission, enfin, vous dites. On va retrouver le grand journaliste Jean-Sébastien Girard qui se trouve toujours sur le terrain où les vraies choses se passent. Il est où aujourd'hui? Peut-être à Québec rencontrer les nouveaux ministres du cabinet Marois ou à Islamabad pour couvrir une manifestation contre le film anti-islam ou peut-être même en Syrie pour couvrir la révolte contre le régime du président Al-Assad. Eh ben non, on va le savoir. Où est-ce que vous êtes, Jean-Sébastien? Ben, je vais vous décevoir, mon bon Jean-Philippe. En fait, je suis juste l'autre côté de la rue, chez Mudra Force Yoga. C'est situé au 1412 rue Panay à Montréal. Oui. Et pourquoi je suis ici, mon bon Jean-Philippe? Parce que je m'apprête à suivre, dans quelques minutes, un cours pas piqué des verres. Vous savez, il y en a qui suivent des cours de recettes, d'autres de claquettes, d'autres de trompettes. Mais moi, je m'apprête à suivre un cours de branlette. Et c'est pas des farces, Jean-Philippe. Dans ce centre de yoga, on offre un cours de plaisir solitaire pour hommes où on apprend à perfectionner son art de l'onanisme. Et j'ai avec moi M. David Fleewling, qui est à la fois danseur contemporain professionnel, professeur de yoga, professeur de pilates, et professeur d'autosatisfaction. M. Fleewling, bonjour. Bonjour. Bon. Alors, certains diront qu'un cours de plaisir solitaire, c'est probablement de la crosse. Vous en dites quoi? Yeah, non, c'est un cours. C'est vraiment un cours où on apprend d'autres techniques pour autosatisfaction. Autosatisfaction, excellent. Eh bon, alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer concrètement cet après-midi dans l'atelier? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Est-ce que c'est un apprentissage théorique ou pratique? Effectivement, les deux. Il y a un cours des théories où on discute nos craintes les croissances mauvaises ou vieux, de briser les tabous, etc. Ça permet une ouverture du cœur et lorsqu'on on applique les techniques, on rentre dans un autre état d'ouvrir. D'ouvrir le cœur. Oui. Et là, on s'ouvre en groupe parce qu'on est 17 présentement dans le groupe. Oui, on est 17, Jean-Philippe. Et c'est surtout un cours qui dure 7 heures. Quoi? C'est beaucoup. Il n'existe pas une version accélérée. C'est déjà accéléré. La première fois, en fait, cet atelier, c'était 2 jours. Okay. Et ça, c'était un peu trop lent. OK. Ouais. Est-ce qu'on risque d'avoir des ampoules à la fin de la journée? Plusieurs. Et à la fin, comment tout ça culmine? Je veux dire, est-ce qu'on va avoir un examen? Comment vous évaluez si on est devenu ou pas un bon crosseur? On le sent. On le sent le plaisir. Ah, on le sent. Mais si on rentre dans un autre état plus élevé, plus ouvert, c'est clair, on le sent. Alors, c'est instinctif. Alors, je vais commencer. Je m'installe. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Parce que moi, à part ma Zouiz, j'ai absolument rien. Besoin de rien? Un tapis? Juste vous-même, une ouverture d'esprit et le bonne humeur. Bon, ça, c'est déjà beaucoup. Alors, Jean-Philippe, on débute le cours et je vous reviens avec de nouvelles zones érogènes découvertes dans quelques minutes. Oui, c'est ça, hein? Mais c'est vrai, ça, cette histoire-là? Absolument, je vous jure, vous irez voir dans Internet. Ben oui, ben ça a l'air vrai. Ben écoutez, on trouve de tout, hein? Oui. Même des amis. Vous viendrez nous joindre. Ben oui, non, c'est ça, je vais y aller après. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, hein? À tout de suite! Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier, une émission zen, mais qui n'a pas la langue dans sa sacoche. En tout cas, un qui n'a pas besoin de cours sur le plaisir personnel, Fred Savard, bonsoir. Ben, c'est encore drôle. Oui. Non, j'ai envie de vous parler de liberté d'expression, mes chers amis. Bon, ça a été le gros sujet cette semaine. Hein, oui, tout à fait. Et plus ou moins drôle. Hein? D'abord, les fameuses caricatures du Charlie Hebdo publiées cette semaine. Bon, je tiens à spécifier que je n'ai pas vu les caricatures, même si elles sont sûrement hilarantes. Bien honnêtement, je m'en sac de les voir parce que contrairement à ce que mes détracteurs pourraient penser, je ne suis pas abonné au Charlie Hebdo et je crois même n'avoir jamais lu ce journal de gauche français. Étonnant, hein? Pas tellement. Je n'ai jamais été un grand fan de ce type d'humour très franco-français. Bon. Je suis par contre un grand fan de la liberté d'expression, mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent que publier des caricatures sur un sujet aussi délicat que la religion musulmane soit un grand geste pour la liberté d'expression. Loin de moi l'idée de vouloir porter un jugement sur les manifestations de haine envers les États-Unis et surtout envers tout ce qu'ils représentent. Ces gens-là ne représentent pas tous les musulmans. Du moins, j'ose croire. J'ai bien dit « du moins, j'ose croire ». Vous voyez que les croyances, ça aussi du bon. Mais d'un autre côté, je ne veux pas non plus les défendre. Comme le disait le poète, j'ai le doigt entre l'arbre et l'écorce, qui ne sont pas musulmans, mais parfois susceptibles. Je l'ai lu dans un Astérix. Charlie Hebdo savait très bien que la publication de nouvelles caricatures allait jeter de l'huile sur le feu. Un feu circoncis, je tiens à le préciser pour ne pas offusquer personne. Mais la publication de ces caricatures est, à mon avis, essentiellement une opération mercantile, bien avant un geste de bravoure au nom de la liberté d'expression. Il y avait probablement 1000 choses à dire sur l'intégrisme religieux que la publication de petits dessins drôlatiques. Et je dis cela, bien sûr, sans vouloir insulter la profession de caricaturiste, particulièrement ceux qui sont circoncis, là, je veux pas choquer personne. Mais je persiste et signe, nous sommes en plein délire mercantile. Et les chiffres me donnent raison, les copies du Charlie Hebdo se sont envolées comme des petits chiens chauds, comme le disait Jean Perron dans ses plus beaux jours. Évidemment qu'il ne faut pas reculer devant le fanatisme religieux, mais est-ce que la liberté d'expression oblige justement à s'exprimer sur tout et sur rien sans prendre en compte les réactions que cela suscitera? Et si la réponse est non, ne serait-ce donc pas du fanatisme mercantile que de se cacher derrière cette liberté d'expression afin de publier des caricatures sachant à qui on a affaire? Parce que comme le disait si bien le très, très, très regretté Pierre Desproges, on peut rire de tout, oui, mais pas avec n'importe qui. Et on le sait, le fanatique, qu'il soit religieux ou mercantile, n'a jamais eu un grand sens de l'humour. Un autre cas, plus près de chez nous... Ouais. Où des zélotes de la liberté d'expression s'en sont habillés justement pour masquer de bas instincts mercantiles. Je parle bien sûr de la station de radio CGAD, une station anglophone qui vivote sur la bande AM et qui a cru bon diffuser mercredi à 16h Alors qu'au même moment, Pauline Marois nommait ses ministres, une entrevue de Richard Bain qui nous partageait ses lumineuses pensées politiques derrière les barreaux en attente de son procès pour meurtre lors de la fusillade du Métropolis. N'en déplaise à bien des chroniqueurs qui se questionnaient surtout à savoir pourquoi ce fameux cas isolé avait pu avoir accès à un téléphone malgré son incarcération. La vraie question est de savoir pourquoi CJD a accepté de diffuser la dite entrevue. J'ose croire, encore une fois, que c'est pour augmenter ses codes d'écoute probablement faméliques qu'elle ne s'est pas censurée et non pas pour provoquer. Notre communauté anglophone n'oserait jamais se laisser aller à de si bas instincts et j'ose croire, à part bien sûr le suave Don McPherson, que les leaders de cette communauté sauront dénoncer la décision de CJD. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais je bénis le ciel d'œuvrer dans une radio publique et non pas privée, ce qui me permet d'exercer ma liberté d'expression sans jamais avoir à la brader pour des considérations mercantiles. De cette façon, on ne m'oblige jamais à dire des choses pour stimuler les bas instincts de ma clientèle. Mes bas instincts, c'est dans mon lit qu'ils s'expriment, jamais sur les ondes. Ah, ben Fred, c'est, vous êtes chanceux. Ah! Vous êtes chanceux qu'on vous impose rien, mais la semaine prochaine, on vous imposait d'être drôle, par exemple. Okay? Merci. Vous savez, Jean-Philippe, il y a des sujets parfois qu'il faut réfléchir. Ouais, on peut ça, pas toujours rire. Il y a plusieurs autres émissions pour le faire. Oui, c'est OK. Vrai. J'ai envoyé mes CV, d'ailleurs. Oui, c'est ça, Fred. J'attends des réponses. On retourne voir Jean-Sébastien qui doit être rendu loin dans son processus. Là. Jean-Sébastien. Ah, Jean-Philippe, je suis tellement détendu. Là. J'ai jamais été aussi bien que ça. Ben là, vous avez déjà fini votre tour? Détendu comme ça. Oui. Ah, c'est bon. Ça fait quasiment pas. Bon, okay. Écoutez, je vais maintenant jaser avec un collègue élève qui assiste avec moi à ce cours de touche pipi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez eu envie de vous inscrire à ce cours? Est-ce que vous aviez la branlette plate? La motivation n'était pas l'insatisfaction, mais c'est plutôt une façon de découvrir comment peut circuler l'énergie autre que simplement dans les parties génitales. Bon, parlant génital, est-ce que c'est pas dangereux un peu de tellement aimer vous faire vous-même l'amour que vous ayez plus envie finalement de le faire avec d'autres éventuellement? C'est pas dangereux, un peu pervers tout ça? Non, au contraire, avec David, on apprend des façons à se connaître mieux et de mieux interagir avec les autres. C'est beau ça. En terminant, aux hommes évidemment qui nous écoutent à l'extérieur de Montréal et qui auraient peut-être envie de participer au cours, mais qui ne peuvent pas parce que c'est trop loin, est-ce que vous avez un truc que vous avez appris, parce que vous êtes quand même là depuis plus tôt que moi, un truc que vous avez appris et que vous avez envie de partager avec eux pour améliorer leur vie personnelle? Ben, je dirais que c'est plus de reconnecter avec ses sens. Par exemple, David, dans un exercice, nous fait bander les yeux. Pourquoi? Ben, c'est pour connecter avec soi et éviter peut-être le réflexe d'aller consulter de la pornographie ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une façon de reconnecter avec soi. Alors, éviter le réflexe de la pornographie, Jean-Philippe. Nous, on se retrouve dans à peu près 20 minutes, le temps de remettre un peu la main à la pâte ici. Faites attention. Au revoir, là. Premier, à tout de suite. Oui, OK. Prenez notre deuxième invité. Il a connu une grande carrière de journaliste pour ensuite se lancer en politique sous la bannière péquiste. Grand adepte de Tai Chi, ça lui permet de rester zen en présence de Lisa Fula et Marie Grégoire au Club des Ex. Voici Jean-Pierre Charbonneau! Yeah! Monsieur Charbonneau, bon, premièrement, je vais reposer la même question que j'ai posée à Mme Jérôme Forget tout à l'heure. Une bière? On est vendredi, hein? Oui. OK. Bon, parfait. Ben oui, ben oui. Alors, j'ai une rousse pour vous. Ah, ça, c'est une des bonnes. Ah oui, en plus. Bon, en plus, ben, c'est la Boréal, c'est ma soeur. Ah, ben oui, il vient de nommer le nom. Ça vient nous donner deux caisses de plus la semaine prochaine. Bon. Est-ce que j'en dois une caisse sur les deux? Non, c'est bon. Non, mais c'est très le fun d'avoir deux ex sur le même plateau. En fait, pour moi, parce que je sais que Simon Durivage lui partage cette joie tous les jours de la semaine. Est-ce que ça vous déstabilise de ne pas avoir Lisa Frula à côté de vous? Légèrement, mais pas tout à fait. Non, ça non mais avec Monique, je pense que ça compense bien. Ben, tout à fait. Hein. C'est deux femmes de grande stature. Pour de grande stature, elles sont plus grandes que moi. Oui, mais en même temps, je veux... Enfin, vous, M. Charbonneau, vous avez une carrière assez impressionnante. Vous avez été député pendant 25 ans. Tout à l'heure, on parlait avec Mme Jérôme Forget, qui a été en politique pendant 11 ans. Qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant 25 ans? C'est-à-dire, j'ai fait deux vies politiques. J'ai fait 12 ans et puis 13 ans. Oui. Ou l'inverse, mais en tout cas, peu importe. Là. J'ai été élu en 76, je suis revenu en 94, mais je suis parti en 89. Pour l'Afrique. Donc, si j'avais fait ça comme François Gendron, d'un trait, puis que j'étais pas quitté, ben je serais comme lui, un des plus anciens de l'Assemblée. Mais ça m'intéressait pas. Je pense que après trois mandats, j'en avais ras-le-bol. Je pense que Monique, c'est ça. Moi, un mandat dans l'opposition, c'était assez. Ben, voir le visage. Ça donne le goût, hein? Ça donne le goût. Alors, après 10 ans, ça a l'air long. Et à chaque fois que j'ai quitté, j'étais dans l'opposition. Et puis, dans ma première vie politique, le pouvoir, ben, j'étais sur le banc des joueurs et j'ai regardé les autres faire et je votais pour qu'ils restent là. Dans ma deuxième vie politique, dans les premières semaines et les premiers mois, j'étais encore sur le banc des joueurs et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pensé de revenir? Finalement, le hasard a fait que, bon, c'est Lucien Bouchard qui est devenu premier ministre après le référendum et puis il m'a proposé d'être président de l'Assemblée nationale. Sur le coup, j'ai été un peu déçu. J'ai eu mon téléphone, comme tout le monde, mais c'était pas celui que j'attendais. Ah ben oui, hein? Mais après coup, je me suis dit, OK, j'y vais. Et plus ça allait, plus j'aimais ça. Et finalement, puis Bernard Landry, quand il est devenu premier ministre, il m'a demandé d'être ministre. Je l'ai été un an. Et quand je regarde en rétrospective, l'année où j'ai été ministre et les 6 ans où j'ai été président de l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup mieux aimé les 6 ans où j'ai été président de l'Assemblée. Et qu'est-ce qui est le fun d'être président de l'Assemblée nationale? Ben, t'es ton boss. Ah ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, ce qu'on oublie, c'est que les ministres, même les plus influents, ils sont les ministres du premier ministre. Et on est dans une monarchie élective. Quand le monarque, ça ne fait pas ton affaire, ben tu prends ton trou. C'est pour ça qu'il faut être la dame de fer. Ah, c'est ça. Ça aide un peu parfois. C'était vraiment mais la dame de fer? Elle? Oui. Ben, pas toujours, mais De temps en temps. Mais on n'arrivait pas trop à y percer la cuirasse. Ah, ben c'est ça, ben oui. Mais elle n'était pas très vindicative. Mais comme, elle était une bonne guerrière, malgré tout. À l'Assemblée, période de questions, elle donnait pas sa place. Puis, faut dire que le président, il était très. Mais quand j'étais président. Ça envoie des fleurs par la gauche, par la droite. Mais quand j'étais président. Non, mais c'est une grande famille, les politiciens québécois. Ben ça sonne pas comme ça, des fois, quand on les regarde. Pas toujours. Non, non, c'est ça, ça manque. Quand ils sont en action, non. Parce que ça fait partie de l'opposition. Mais ça va tout souper après ça chez tous. Steakhouse, là, ouais. Je pense que ceux qui ont vécu les dernières années, je ne suis pas sûr qu'ils vont aller souper ensemble pour les prochaines années, ou en tout cas pour les prochains mois. Quand on parle d'intégrité, ouais. Là, puis des questions comme ça, ça touche les gens dans leur... ça les touche personnellement. Mais... Surtout s'ils pensent que les autres exagèrent. Alors, c'est clair qu'après ça, celui qui te pose des questions, ou tu ne l'aimes pas tellement. Bon, mais là, est-ce qu'il va y avoir une bonne ambiance à l'Assemblée nationale avec ses nouveaux ministres? Ça dépend qui. Moi, je ne suis pas convaincu que ça va durer très longtemps, les bonnes ambiances, la cohabitation. D'ailleurs, on voit déjà, certains font des déclarations un peu belliqueuses. Est-ce que vous parlez de Mme Thériault, là? Non, je parle de Raymond Bachand. Arrêtez donc. On l'a parlé à un moment donné de faire la guerre au gouvernement pour le prochain budget, déjà. Puis on ne connaît même pas de budget. Puis cette semaine, il parlait des ministres de la chicane. Je trouve que pour... Mais non, mais ça, c'est M. Drainville. Non, c'est-à-dire peut-être que l'autre est perçu comme ministre de la chicane. Ouais, mais ceci étant dit, c'est clair que pendant un certain temps, ça va se calmer. Mais éventuellement... Qu'est-ce qui a changé? Il semble que vous parlez de votre époque comme le bon vieux temps. Non, pas nécessairement. Ah non, c'était violent aussi. Bon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a été question d'intégrité, ça a toujours été difficile. Puis, tu sais, c'est une quête de pouvoir. Tu veux dire. Les gens sont là pour prendre le pouvoir ou pour le conserver. Même s'ils ont des bonnes intentions vertueuses, ça reste une dynamique de confrontation liée au pouvoir. On va en parler ça, du c'est pouvoir, dur. Justement, M. Charbonneau, parce que vous avez, on le disait tout à l'heure, 25 ans en tant que député. Ça vous a pris 24 ans pour devenir ministre, ou à peu près? Ouais. C'est assez... Parce que là, on regarde... Oh, mais attention, j'ai été président pendant 6 ans, là. Ouais. Ah ouais, mais ça compte. C'est pas la même affaire. Non, mais là, disons. Mais pour... si j'avais été 24 ans sur le banc des joueurs, j'aurais haï bien ça, puis je serais pas resté 24 ans. C'est ça, hein, c'est ça je me disais. Parce que quand même, vous avez voyagé partout, justement, entre vos périodes politiques. Vous avez aussi travaillé sur des organismes internationaux. Vous avez travaillé en journalisme d'enquête. Vous avez travaillé sur la SECO, qui est l'ancêtre un peu de la commission. Oui, j'étais même consultant de la commission d'enquête. Vous avez également rédigé le livre « La filière canadienne sur la mafia », vous vous êtes même fait tirer dessus par la mafia. Mm-hmm. Et là, par un gars de la mafia, pas toute la mafia ensemble. Ouais. Non, ben, ça, vous ne pas là, non, ça, non. Puis là, aujourd'hui, vous passez vos journées avec Simon Durivage. C'est-tu le fun ou vous ennuyez des fois? Non, c'est le fun. Il y a des journées où tu n'as pas l'exaltation de la vie politique, puis tu n'as pas toujours l'impression que c'est aussi important. Mais à chaque fois qu'on reçoit des commentaires, moi, j'en reviens pas. Je suis plus interpellé sur la rue depuis que je fais cette émission-là. Ça fait déjà 5 ans et demi. Puis mes deux collègues aussi, Marie et Lisa. Je suis plus reconnu, plus interpellé. Les gens me parlent plus de ce que je fais depuis 5 ans et demi qu'ils me parlent de mes 25 ans en politique. C'est maudit, hein? Et quand ils m'en parlent, ils ont toujours des commentaires qui font que tu finis par croire que tu es utile. C'est-à-dire que les fais réfléchir, qu'ils s'amusent, mais en même temps que la dynamique conviviale les amène à voir différents côtés de la médaille. Puis ça les aide à se faire un jugement. Là, moi, mais là, vous allez justement aider encore plus la population. On a la commission Charbonneau. Ça n'a pas rapport avec vous, non? Bien, on a le même ancêtre, Olivier. Ah, mais elle est arrivée avec Jeanne Mance en 1650. Ah, ouais, OK. Ouais, là, c'est bon, là, on n'en parlera pas. Là, je pense pas que ce soit ma cousine. C'est une grosse famille. Mais là, est-ce que vous allez... parce que vous la commentez, la commission Charbonneau? Oui, parfois. Vous aimez ça? Bien, elle vient de recommencer. Bien non, je sais, mais justement, bon, on s'est plaint justement qu'on a vu une criminologue pendant quelques heures qui racontait en fait tous les liens de la mafia puis l'histoire de la mafia. Il y en a qui se sont dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de regarder ça? Surtout qu'on peut louer le parrain 1 et 2. Ben en masse. Ouais, puis là, on va avoir à louer Tony Brasco. Ben oui, ouais, c'est ça lui-même. on attend le croustillant. Est-ce qu'il va en avoir du croustillant? Oui, il va y avoir du croustillant. Il va y avoir du spectaculaire. Et c'est pas contradictoire avec du contenu. C'est-à-dire, c'est clair que quand des personnages importants du monde interlope ou des personnages du milieu des affaires ou du monde syndical, et probablement aussi du monde politique, organisateur, peut-être des élus ou des anciens élus, quand ces gens-là vont venir parader devant la commission, devoir expliquer certains de leurs comportements, certains de leurs ajustements, c'est évident que ça va être spectaculaire. Là, il va comme la période côté, des questions à l'Assemblée nationale est spectaculaire. Ouais, c'est-à-dire que... Mais ça va être croustillant. C'est évident que... M. Duchesneau parlait du Parti libéral, mais parlait aussi du Parti québécois. Est-ce qu'on va avoir des deux côtés du croustillant? Oui, je pense que la période des 15 ans fait en sorte qu'il y a des méthodes de fonctionnement, notamment sur le financement des partis politiques, où tout le monde a se reproché certaines choses. Ce qui ne veut pas dire que c'était généralisé. Tu sais, par exemple, autant chez les libéraux que chez les péquistes, pas tout le monde s'occupait du financement de ce qu'on appelle les milieux, les groupes, les milieux de vie, là, y compris en particulier le monde des affaires. Et c'était un certain nombre de personnes qui, dans l'entourage de certains personnages importants, s'occupaient de ce financement-là. C'est eux souvent qui brassaient ou qui ont contourné la loi sur le financement des partis politiques et qui ont accepté plus ou moins ouvertement que des prête-noms donnent des contributions alors que la loi l'interdit. Là. Vous avez jamais vu ça au Parti québécois? C'était pas ça que je dis. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu. Je dis que, si vous posez la question à moi personnellement, moi j'ai refusé de faire des cocktails de financement. J'ai jamais fait une sorte de partie de golf pour financer mon. Ben, faites comme je voulais pas faire ça. Oui, mais ça, c'est pour ceux qui font ça, 50 000 piastres aux États-Unis, c'est de l'argent de poche. Aux États-Unis, le problème principal des États-Unis, moi j'aime certains aspects du système politique américain, mais ce qui est le plus tordu, c'est le pouvoir de l'argent. Ça, aux États-Unis, c'est quelque chose de pernicieux, de pervers, de toxique. Et si on importe ça ici, ça va être encore aussi toxique. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Ça, je vous remercie beaucoup. Restez avec nous. Fred, présente-nous notre prochain chroniqueur. Il passe tellement de temps à chercher des extraits croustillants sur les ondes qu'il n'a pas le temps de se shooter au Botox en mangeant du maïs transgénique. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Faut applaudir, hein? C'est vrai. Ouais, lui, il est drôle. Ouais. C'est toujours gênant d'applaudir Olivier. Pourquoi? Eh bien, le sujet de l'heure dans l'actualité cette semaine, à part le commerce du sexe chez les Sugar Daddies, c'est assurément ce navet diffusé sur YouTube qui a mis le monde musulman à feu et à sang. Un dossier extrêmement complexe que je n'aurais jamais compris si Mario Dumont n'avait pas fait de douteux parallèles. Le parallèle qui me venait quand même à l'esprit sur ce genre de réaction-là, c'est en plein milieu du lac Mead, deux, trois jeunes marchent sur un drapeau du Québec et puis... Il y a une partie du Québec qui a réagi en ne disant pas « Ben, c'est toi jeune, c'est toi flou, on s'en fout. » Non, mais il a raison, Mario. Là. Ben t'enlèves la religion, les morts, le feu, le sang, là, ben, tout le contexte. Là, c'est pas mal la même affaire. C'est pas mal la même affaire. Un autre excellent vulgarisateur, là, c'est Adrien Pouliot, anciennement de l'Institut économique de Montréal et de l'ADQ, qui songe à se présenter à la course à la direction du Parti libéral du Québec. Si vous voulez mon avis, là, le PLQ a besoin d'un bon pédagogue comme M. Pouliot. Succès souvenir. La gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'État. Oui. L'État, ça appartient à personne, donc c'est inefficace. Aussi simple que ça. Ouais. D'autre part, mardi sortait un nouvel album de Michael Jackson pour souligner les 25 ans de Bad. D'ailleurs, comme l'expliquait Marie-Pierre Morin de la nouvelle émission du matin à VTélé, Michael Jackson continue de faire beaucoup d'argent dans son cercueil. Et je pense que Michael Jackson a probablement la mort posthume la plus lucrative depuis Elvis. Ouais. Hey, quand t'es mort posthume, t'es mort pas à peu près. Posthume aussi, j'imagine. Et le Parti libéral du Canada n'est pas loin de la mort posthume, comme en témoigne le dernier grand sondage pan-canadien montrant la chaude lutte que se livrent conservateurs et néo-démocrates au sommet. Des résultats surprenants, sauf pour les auditeurs d'Éric Duhaime. Bon, un sondage près de 1000 Canadiens dit que Harper est à 32 % et que Mulcair est à 30 % Enlève donc le Québec de ces chiffres-là. Aha! Ouais. Quand t'enlèves le quart des appuis à Mulcair puis t'en rajoutes une couple de points à Harper, ça devient du 2 pour 1. Fait que vous voyez comment les chiffres des sondages actuellement sont trompeurs. C'est vrai que les chiffres sont trompeurs. D'ailleurs, là, si on enlève les chasseurs de Rigno, les chauffeurs de skidoo, puis si on déménage Edmonton au Guatemala, ben on constate que le NPD est aux portes du pouvoir. Hein? N'empêche qu'Éric Duhaime aurait tort de décréter l'indépendance du Québec aussi prématurément. Le Québec oublie trop souvent sa faiblesse démographique, comme l'a rappelé Tasha Keridan du National Post. Et attention, Jean-Philippe, en tant qu'amateur de Sugar Crisps, ses propos pourraient vous choquer. Le bilinguisme sur les boîtes de céréales. Écoute, pensez-vous dans un Québec indépendant que un marché aussi restreint que le Québec pourrait avoir le même poids à l'international dans des questions comme ça? Plus de rocheuse, OK. Plus de passeport, on peut s'en faire un autre. Mais plus de Captain Crunch, là. Ben là, encore une autre affaire que le PQ essaie de nous cacher. Jeudi, les commentateurs se sont fait aller l'opinion autour du nouveau Conseil des ministres, un conseil composé d'à peine 8 femmes, ce que n'a pas dénoncé Nathalie Elgrabli-Lévy, prof de sophisme au HEC. Selon elle, si on ne se plaint pas de la sous-représentation de ceux qui ont les yeux bruns au Conseil des ministres, on ne devrait pas non plus se plaindre de la sous-représentation des femmes. Par contre, si vous voulez vous plaindre de la surreprésentation de Nathalie Elgrabli, vous pouvez écrire au Journal de Montréal. Enfin, Sylvain Bouchard du FM 93 avait aussi son mot à dire sur le cabinet Marois, un cabinet infiltré par les activistes de l'environnement. Breton a dit, j'ai trouvé la phrase extrêmement révélatrice, les Verts sont au pouvoir. Ah, aux dernières élections provinciales, les Verts ont même pas eu 1%. Les vrais Verts, là, dont il est issu, ont même pas eu 1% des votes. Mais malgré tout, malgré qu'on n'a pas voté pour ça, Pauline a réussi à mettre les Verts au pouvoir. Moi, les Verts au pouvoir, ça me fait pas peur tant qu'ils n'engagent pas Georges Larac. Bon. Alors, si on résume la semaine, là, dans un Québec vert détaché du Canada, on n'aura plus de Frosted Flakes bilingue. Merci. Merci, Olivier. Merci. On va retourner voir Jean-Sébastien. Et là, j'ai très, très hâte que ça finisse, cette histoire-là. C'est vrai, ça. Alors, toujours en direct de mon cours d'autosatisfaction génitale masculine. Et évidemment, Jean-Philippe, vous le savez, quand je traite d'un sujet aussi délicat, avant de quitter le studio, tout le monde sur le plateau, vous le savez, me remettent des questions à poser pour que je les repose à leur place. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais apporter vos questions. Alors, professeur Fleewilling, première question. Bon, qui nous vient de quelqu'un qui nous dit ceci. Coudon, c'est pas juste une affaire de pervers pis de maudits cochons qui veulent faire une partout se déguiser. Bonne Sainte-Anne. Et c'est signé Monique Jérôme F. si c'est pour les pervers, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi tout le monde est bienvenu. Donc, mais parce que, comme c'est déjà dit, nos yeux sont bandés, donc on vraiment rentrer en soi. On en a tous une. Donc, c'est juste de découvrir les choses vraiment à l'intérieur. Les yeux bandés, donc on regarde pas autour de soi. C'est ça. Ah, OK, good. Deuxième question, une petite question sympathique. Bonjour, est-il possible de marier onanisme et tai chi? C'est signé J.P. Charbonneau. Pourquoi pas? On peut parler d'énergie, encore, mais... juste de mélanger. La base en tantra, c'est la créativité. Donc, si vous avez le goût d'expérimenter avec plusieurs choses, pourquoi pas? Alors, expérimentez, M. Charbonneau. Autre question maintenant. Un membre très volumineux peut-il décupler le plaisir? Sinon, dommage. Et c'est signé F. Savard. Le volume, ça vient du cœur et le cerveau au lieu d'autres places. Donc, si le cœur est ouvert et le cerveau est ouvert, il y a beaucoup de plaisir pour tout le monde. Bien envoyé. Oh. Maintenant, la dernière question. Me faire l'amour à moi, c'est avoir accès à la personne la plus formidable au monde, la personne que j'aime le plus au monde, une personne extraordinaire, la plus sexy, j'aime okay. beaucoup. Et ouais. c'est signé J.P. Vautier. En fait, c'est pas une question, c'est juste un témoignage. J'ai jamais merci dit ça. Beaucoup, J.P. Maintenant, ben, je j'ai jamais dit ça. Infiniment, Monsieur Fleewilling, je suis un homme transformé. En fait, je resterai pas jusqu'à la fin, je pense que j'ai déjà une bonne base. Alors, Jean-Philippe, on passe une petite mop ici et je vais vous rejoindre en studio dans quelques secondes. Jean-Sébastien, oui. OK, on en reparlera tantôt. OK, j'espère. Oui, merci beaucoup. Hein. À tout de suite. OK, au revoir. Fred, présentez-nous vite notre prochain chroniqueur. Notre correspondant parlementaire a vécu un moment historique mercredi, étant le seul membre de la communauté italienne au Parlement, une première depuis 9 ans. Voici Jean-Philippe Cipriani. Et... Monsieur Poitier vous aimera pas, là. Ah, ben non, mais il était pas là, mercredi. Est-ce qu'il est calabrais, sicilien ou napolitain? Je vous laisse deviner. Ça dépend comment il tire, je pense. Anyway. ça dépend des jours. Vous avez passé la semaine à regarder la commission, Charbonneau. Ouais, qu'est-ce ouais. qu'on a appris cette semaine? Je sais pas. C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai pas vraiment écouté. Comment ça? Ben, j'ai entendu la douce voix de Valentina Tenti qui me racontait la mafia, là. Fait que j'ai pas vraiment écouté, mais j'étais vraiment sous le charme. Parce qu'on on va se l'avouer, là, no offense, là, est beaucoup plus agréable à regarder que Jacques Duchesneau. Ben, c'est sûr que M. Duchesneau est moins... Elle roule ses airs. Ouais. J'aime beaucoup les gens qui roulent leur air, Mme Jérôme Forgette. oui, mais elle, roule ses airs en italien. Ah, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun, oui. Puis, il y a quelqu'un de votre équipe qui m'a dit... Oui, mais elle parle italien aussi. Oui, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un de... Il y a quelqu'un de votre équipe qui m'a dit qu'elle ressemble à Tasha Carradine. Peut-être un peu, mais bon, elle n'est pas anglaise, puis elle est post-doctorante. Alors, je trouve que c'est pas mal plus émoustillant. Ouais, ben oui. Fait que j'ai chanté Don't Cry For Me, Valentina, toute la semaine. Mais ça n'a pas duré longtemps, son arrêt sans interrogatoire. En effet, ça s'est terminé mercredi matin, puis après, il n'y avait plus de témoins, fait qu'ils ont journée. Puis là, bon, j'en entends qu'ils vont me dire, là, ils ont pris 3 mois de vacances cet été, ils siègent juste 4 jours par semaine. Et, oh, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, là, c'est de construction qu'on parle ici. Là. Ouais. On va quand même pas forcer trop fort pour respecter les délais. Puis oubliez pas que la juge Charbonneau, là, votre cousine, là, si elle juge, c'est qu'elle a déjà eu des post-it sur son CV. Il faut jamais oublier ça non plus. Des post-it. Il reste encore beaucoup de travail à faire à la commission. Hein. C'est ça qui est écrit son tiers. Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. C'est un mandat large quand même, la commission Charbonneau. Là, tous les ministères, les organismes, Hydro-Québec, la SAC, l'Auto-Québec, le Cégep, Université, Commission scolaire, CPE, Garderie, Hôpitaux, CLSC. Puis, il va y avoir aussi beaucoup de pièces à conviction. D'ailleurs, ils sont en train de voir comment ils vont faire pour rentrer l'iade de Tony Accurso dans la salle. Ce sera pas facile, ça. Il y a des gens très influents aussi qui veulent être blanchis par la commission Charbonneau. Je parle pas juste de M. Accurso, Zampino ou Arsenault, mais notamment M. Bonhomme Carnaval, hein, qui a été traîné dans la boue partout au Canada. Parce qu'il transportait une valise d'argent. Ouais. Pensons aussi à Gérald Tremblay, hein, qui espère que tout le monde confirme qu'il savait rien. Sur rien. Sur rien non plus. En fait, il était même pas là. Et puis, le maire de Mascouche, lui, qui savait, mais il va rester pareil. Et, j'ai surtout hâte, moi, d'entendre le gars qui était derrière le paravent des 8 émissions d'enquête. Parce qu'avec la drôle de voix métallique qu'il avait, là, il doit avoir une méchante drôle de tête. Ben hâte de voir ça. Il a passé beaucoup de temps, là. Mais là, en attendant, j'espère que vous avez suivi ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a un nouveau conseil des ministres. Oui, j'ai suivi ça. Là. Enlève le drapeau, on met le drapeau, enlève le drapeau, on met le drapeau. Lisée, ministre du Monde puis de Montréal. Pierre Duchesne, ministre du Carré Rouge. Bernard Drinville au référendum. Léo Bureau-Blouin en jean skinny. En jeans à la sermentation, c'était quelque chose. Puis Noëlla qui boude. Là. Inquiétez-vous pas, là, Jean-Philippe, le fun fait juste commencer. J'ai assez hâte que ça se développe, cette histoire-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, c'est le cabaret Plus on est de fou, plus on lit. Tout de suite après, c'est Bande à part animé par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, évidemment le mielleux Philippe Roberge, à la console et à la musique. Un immense merci à nos invités de ce soir qui se sont prêtés au jeu. Ne manquez pas la sortie du livre de Madame Jérôme Forget très bientôt aux éditions Stanké. L'avez-vous déjà rencontré, M. Stanké? Oui. Il est-tu fin? Il est adorable. Ah mon Dieu, je vais aller le rencontrer un jour. C'est un bon gars. Et vous écoutez évidemment Jean-Pierre Charbonneau tous les jours à RDI, au Club des Ex. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur twitter.com/lasoirée, nous réécouter grâce à notre balado disponible sur le site de Radio-Canada et écrivez-nous si vous voulez assister à notre prochaine émission. C'est jeudi à 17h qu'on enregistre. Vous écrivez à notre adresse ou directement sur Twitter. Nos invités Fred Pellerin et Daniel Lessard. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde!